Zeno. En bas, dans le salon, des adultes martèlent le plancher de leurs gros souliers. Cinq soldats en plastique, Playwood, sortent de leur caisse en fer blanc. Le soldat 401, armé d'un fusil, rampe en direction de la tête de lit. Le soldat 410 traîne son canon anti-char le long d'un sillon creusé dans la couette. Le soldat 413 s'est trop approché du radiateur. Sa figure est en train de fondre. Le pasteur White grimpe péniblement l'escalier avec à la main une assiette de crackers et de jambon et s'assied au bord du petit lit, le souffle court. Il ramasse le soldat 404, celui qui tient son fusil au-dessus de sa tête, en disant à Zeno qu'il n'est pas censé lui raconter cela, mais que, d'après ce qu'il a entendu, son papa a envoyé à lui tout seul 4 Japs en enfer avant de mourir. « Guadalcanal, c'est où ça ?» demande une voix au pied de l'escalier. Et une autre répond « Pour moi, c'est du pareil au même. » Et des flocons de neige volent derrière la vitre. Pendant une fraction de seconde, la mère de Zeno descend du ciel sur un bateau doré. Il monte à son bord avec Athéna sous les regards ébahis des témoins. Et ils s'envolent tous ensemble vers la cité céleste, où une mer turquoise se brise contre les falaises noires et où tous les arbres sont lourds de citrons tiédis par le soleil. Mais le voilà de retour sur son lit en laiton. Le pasteur White, qui empèse la lotion capillaire, déplace énergiquement le soldat 404 autour du couvre-lit, et papa ne reviendra jamais. « Un véritable, un authentique héros, » lui dit-il. « Voilà ce qu'était ton papa. » Un peu plus tard, Zeno redescend en emportant son assiette et s'éclipse par la porte du jardin. Transi de froid, Athéna émerge en boitillant des genévriers et lui offre les crackers et le jambon, s'attirant un regard de pure gratitude. La neige tombe en gros flocons compacts. Une voix chuchote dans sa tête. « Tu es tout seul et c'est probablement ta faute. » La lumière du jour décline. Plongé dans une espèce de transe, Zeno sort du jardin de Mrs. Boydston et remonte Mission Street jusqu'à l'intersection avec Lake Street. Puis il escalade le talus de neige sur le bas-côté et s'ouvre à coups de poing un passage au milieu des congères. De la neige rentre dans les chaussures qu'il a mises pour les obsèques. Et enfin il arrive sur les berges du lac. Le mois de mars va s'achever et la fonte des glaces a dégagé quelques flaques sombres au milieu du lac, à 800 mètres de distance. Du côté gauche, les Ponderosa qui bordent le rivage dressent leurs murailles ondoyantes. Lorsqu'il s'engage sur la surface gelée, la couche de neige devient plus mince, durcie par le froid et aplanie par le vent. À mesure qu'il s'éloigne du bord, il prend plus profondément conscience du bassin d'eau noire qui s'étend sous ses pieds. 30 pas, 40. Quand il se retourne, la ville et les scieries ne sont plus visibles. Il ne distingue même pas les arbres du rivage. Le vent et la neige effacent les empreintes de ses pas. Il flotte dans un monde de blancheur. Encore 6 pas. 7. 8. Pause. Le néant à perte de vue. Un puzzle tout blanc dont on a éparpillé les pièces dans les airs. Il se sent vaciller au seuil d'il ne sait quoi. Dans son dos, Lakeport. L'école pleine de courants d'air, les rues bourbeuses. Mrs. Boydston avec son haleine qui sent le pétrole et ses enfants en céramique. Là-bas, il est huile d'olive, baiseur de moutons, zéro, un orphelin rachitique avec du sang étranger dans les veines et un nom bizarroïde. Et devant lui, qu'est-ce qui l'attend? Un craquement presque inaudible, étouffé par la neige, fuse à travers la blancheur. Ce qui frémit là-bas, au-delà du voile des flocons, serait-ce le palais royal des Phéaciens? Les murailles de bronze et les piliers d'argent? Les vignobles, les poiriers et les sources? Il voudrait solliciter ses yeux, mais on croirait qu'il fonctionne à l'envers, tourné vers l'intérieur de sa tête, vers un gouffre tourbillonnant de blancheur. « Peu importe ce qui est requis de nous, » a dit la femme du président. « Je suis certaine que nous sommes capables de l'accomplir. » Mais comment saurait-il ce qui est requis de lui et comment faire pour l'accomplir sans papa? Zeno avance encore un peu. Il esquisse un demi-pas sur la glace et un nouveau craquement monte du lac gelé. Un bruit rauque qui semble naître en son centre pour filer exactement entre les jambes du garçon et se propager à toute allure vers la ville. Brusquement, quelque chose le tire par le derrière de son pantalon, comme s'il forçait sur une longe tendue et qu'on l'obligeait à rebrousser chemin. Et quand il se retourne, Athéna tient dans sa gueule un bout de sa ceinture. C'est alors seulement que la peur l'envahit. Un millier de serpents qui ondulent sous sa peau. Il titube en retenant son souffle, tâche de se rendre aussi léger que possible, tandis que le collet le ramène vers la ville, un mètre après l'autre sur la plaque de glace. Une fois qu'il a atteint le rivage, il bataille contre les tas de neige et regagne Lake Street. Le galop de son cœur emballé lui cogne au tympan. Il grelotte au bout de l'allée. Athéna lui lèche la main. Et dans le cadre illuminé des fenêtres de Mrs. Boydston, il voit les adultes qui bavardent au salon, leurs bouches qui s'ouvrent et se referment comme les mâchoires d'un bonhomme casse-noisette. Des adolescents qui fréquentent l'église se chargent de déblayer l'allée enneigée. Le boucher leur offre des restes et des os. Les sœurs Cunningham, en quête d'un peu plus de légèreté, l'orientent vers la comédie grecque, notamment un auteur nommé Aristophane, qui, à les entendre, a créé quelques-uns des plus beaux univers jamais inventés. Ils lisent « Les nuées », puis « L'assemblée des femmes », et enfin la pièce « Les oiseaux », dans laquelle deux vieux compères, écœurés par la corruption qui règne sur Terre, partent vivre auprès des oiseaux dans une cité céleste pour finalement découvrir que leurs ennuis n'ont fait que les poursuivre. Et Athéna, pendant ce temps, somnole devant l'étagère des dictionnaires. Le soir, Mrs. Boydston boit de l'Old Forester et fume des camels à la chaîne. Et ensemble, ils disputent des parties de cribbage en déplaçant les fiches sur la planchette. Zeno se tient bien droit, les cartes disposées en éventail dans une main, et il pense « Je suis toujours dans ce monde, mais il en existe un autre, et il n'est pas bien loin. » Encore 2 années au cours élémentaire, et la guerre se termine. Quelques vacanciers montent des vallées pour se promener en bateau sur le lac. Zeno a l'impression de n'y voir que des familles heureuses, père, mère, les enfants. La mairie fait poser dans le centre-ville une plaque en mémoire de papa. Quelqu'un tend un drapeau à Zeno, et quelqu'un d'autre n'a que le mot « héros » à la bouche. Et pendant le dîner, le pasteur White, installé au bout de la table de Mrs. Boydston, brandit une cuisse de dinde. Alma, comment appelle-t-on un cycliste efféminé? Mrs. Boydston s'arrête de mastiquer des brins de persil collés aux dents. Une pédale douce. Elle pouffe de rire. Le pasteur Wide plonge son sourire dans son verre. Autour d'eux, sur les étagères, 200 enfants en céramique potelée observent Zeno de leurs yeux écarquillés. Il a 12 ans quand les jumelles Cunningham l'appellent au guichet pour lui remettre un ouvrage. Les Tritons de l'Atlantide. 88 pages avec des illustrations en quadricromie. On l'a commandé en pensant à toi, dit la première. Et la peau se fronce autour de ses yeux. Sa sœur tamponne une date de retour sur la dernière page. Zeno emporte le livre chez lui et s'installe sur son petit lit en laiton. Au tout début, une princesse est enlevée sur la plage par des étrangers en armure de bronze. À son réveil, elle découvre qu'elle est retenue prisonnière dans une cité immergée, sous une gigantesque coupole de verre. Les armures de bronze cachent des créatures aux pieds palmés, aux oreilles en pointe et aux bras cerclés d'or, la gorge fendue par des ouïes de poisson. Ils ont des triceps saillants et des cuisses vigoureuses, et leur enflement qui se devine entre leurs jambes chamboule le ventre de Zeno. Ces hommes étranges et beaux possèdent la faculté de respirer sous l'eau. Ils sont industrieux à l'extrême et leur cité exhibe de délicates tours en cristal, des ponts aux hautes arches et de grands sous-marins étincelants. Des bulles montent le long des faisceaux de lumière dorée et liquide. Dès la page 10, une guerre éclate entre le peuple aquatique et les balours du monde terrestre qui sont venus chercher leur princesse et combattent avec des harpons et des mousquets, alors que leurs adversaires sont armés de tridents. Ils ont des muscles fuselés, et Zeno, le corps envahi par une bouffée de chaleur, ne peut détacher les yeux des petites fentes écarlates de leurs ouïes et de leurs longs membres musclés. Dans les dernières pages, la bataille redouble de férocité, et juste au moment où la coupole qui renferme la cité commence à se fissurer, mettant tout le monde en péril, on peut lire les mots « à suivre ». Pendant 3 jours, Zeno garde les tritons de l'Atlantide au fond d'un tiroir, d'où il émet un rayonnement dangereux qui le poursuit jusque dans la salle de classe, pulsant à l'intérieur de son crâne, radioactif, illicite. C'est seulement le soir, quand il est bien sûr que Mrs. Boydston est endormie et que le silence règne dans la maison, qu'il ose se pencher de plus près sur le livre. Les marins furieux attaquent la coupole protectrice à coups de harpon. Les élégants guerriers aquatiques nagent dans leurs tuniques bordeaux, avec leurs tridents et leurs cuisses musculeuses. Dans les rêves de Zeno, ils viennent toquer à sa fenêtre. Mais quand il ouvre la bouche pour parler, de l'eau s'y engouffre et il s'éveille avec la sensation d'être tombé à travers la couche de glace du lac. « On l'a commandé en pensant à toi. » Le 4e soir, Zeno descend au rez-de-chaussée en tenant les tritons de l'Atlantide dans ses mains tremblantes. Les marches craquent sous ses pas. Il passe devant les rideaux en soie, le chemin de table en dentelle et le diffuseur de pot pourri qui répand son parfum écœurant. Puis il fait coulisser le pare-feu avant de pousser le livre dans la cheminée. Honte, fragilité, peur. Il est l'opposé de son père. Il s'aventure rarement en centre-ville et s'arrange pour éviter les parages de la bibliothèque. Si jamais il aperçoit une des sœurs Cunningham, au bord du lac ou dans un commerce, il bat en retraite et va se cacher. Elles savent qu'il n'est pas venu rendre l'ouvrage, qu'il a détruit un bien appartenant à la collectivité, et elles devineront forcément pourquoi. Dans le miroir, ses jambes sont trop courtes, son menton est fuyant, il se sent embarrassé par ses pieds. Il se peut qu'ailleurs, dans une lointaine cité éclatante, il parvienne à trouver sa place. Là-bas, il pourrait peut-être renaître, tout neuf et radieux, sous les traits de l'homme qu'il aspire à devenir. Certains jours, sur le chemin de l'école, ou simplement en quittant son lit, une sensation soudaine le fait chanceler et lui tord les entrailles. Il lui semble qu'un groupe de spectateurs l'encercle, la chemise imbibée de sang et le visage accusateur. « Tapette !» lui disent-ils en pointant le doigt vers lui. « Fiotte ! Tantouse !» Zeno a 16 ans. Il travaille comme apprenti à temps partiel dans l'atelier d'usinage de Lansley Tie and Lumber. Cette année-là, 75 000 soldats de l'armée populaire nord-coréenne franchissent le 38e parallèle, déclenchant une guerre. Au mois d'août, les hommes de la congrégation, qui tous les dimanches après-midi se réunissent autour de la table de Mrs. Boydston, déplorent les failles dont souffre la nouvelle génération de soldats américains, trop gâtés et amollis par une culture du confort à tout prix, contaminés par l'aquabonisme. Les braises de leurs cigarettes dessinent des cercles oranges au-dessus du poulet rôti. « Ils n'ont pas le courage de ton papa, » dit le pasteur White en tapotant ostensiblement l'épaule de Zeno, qui entend au loin une porte s'ouvrir. La Corée, à peine une languette verte sur le globe terrestre de la salle de classe. Vue de l'Idaho, elle ressemble au bout du bout du monde. Le soir, quand il a terminé son service à la Syrie, il va courir au bord du lac, couvrant une partie de son périmètre. 4,5 km jusqu'au tournant de West Side Road, et autant pour le retour, pataugeant sous la pluie tandis qu'Athéna clopine à sa suite, museau blanchi par l'âge et cœur de lion. Certains soirs, les guerriers de l'Atlantide au corps lisse et lustré l'accompagnent sans faiblir, comme guidés par un câble électrifié, et alors ils forcent l'allure pour les tenir à distance. Le jour de ses 17 ans, il demande à Mrs. Boydston de lui prêter sa vieille Buick pour qu'il se rende à Boise. Elle allume une cigarette au mégot de la précédente. L'horloge à coucou tic-tac, les ribambelles d'enfants se tiennent immobiles sur les étagères. 3 versions du Christ les regardent, chacun cloué sur sa croix. Dans le dos de Mrs. Boydston, derrière la fenêtre de la cuisine, Athéna se blottit sous la haie. À moins de 2 km de là, des souris somnolent dans le petit chalet où Zeno et papa ont passé leur premier hiver à Lakeport. Le cœur soigne ses blessures, mais il ne guérit jamais complètement. En roulant sur la route sinueuse du canyon, il est pris par deux fois de nausées. Au bureau de recrutement, un médecin lui applique sur le sternum le pavillon froid de son stéthoscope, lèche le bout de son crayon et coche toutes les cases du formulaire. Un quart d'heure plus tard, il est devenu le soldat de deuxième classe, Zeno Ninis.